Chapitre 12e. Le jeudi suivant, pour la première fois depuis la mort d'Élisabeth, les trois amis, grâce à Madame Pomme, furent réunis autour de la table hospitalière que le capitaine et le docteur avaient tant regrettée. Madame Pomme, ainsi qu'elle en avait décidé, était assise à la droite de M. Pépin. L'empereur et Milvaux, comme jadis, avaient Élisabeth entre eux, ou du moins son buste. C'était presque la même chose, et ils y trouvaient même un petit avantage. Autrefois, ils se croyaient obligés, tant par politesse que pour affirmer leurs droits, de faire le genou ou le pied à la femme de leur ami, et cette gracieuseté classique, quand les convives ne sont pas très rapprochés, occasionne souvent chez l'homme d'un certain âge une légère courbature ou des engourdissements pénibles. Cette manifestation vis-à-vis du buste étant inutile autant qu'impossible, ils en éprouvèrent un réel soulagement, et purent faire honneur au menu sans contorsion gênante. De plus, le capitaine, qui était grand mangeur de pain, et à qui on le reprochait en manière de plaisanterie, put dérober sans être vu le morceau qui appartenait au couvert de son ancien ami, et n'eut à en redemander que 5 fois au lieu de 6. Madame Pomme sut s'occuper des convives sans paraître empiéter sur les attributions de celle qui présidait au repas avec une raideur forcée, et sa grâce discrète sauva cette réunion amicale du malaise auquel on aurait pu s'attendre, en tempérant sa sévérité par des attentions culinaires, de façon que la gourmandise y trouva son compte en même temps que l'esprit. Après le dîner, selon l'usage, l'échiquier fut dressé sur une table spéciale, mais un observateur avisé eut constaté que le docteur et le capitaine commirent des fautes indignes de joueurs de leur force. On se souvient que le gain de la partie devait désigner celui qui ouvrirait le feu contre la vertu de Sylvie. Quelque confiance que leur inspira leur mérite, et surtout la tradition de la maison, il est à présumer qu'ils redoutaient l'un et l'autre de tenter l'épreuve sans une préparation savante et une connaissance plus approfondie du sujet. Une fausse manœuvre au début pouvait tout compromettre et c'était assumer une lourde responsabilité, d'autant que pour l'heure, comme de vieux matous qui retrouvent le foyer domestique après une fugue, ils étaient tout au bien-être des habitudes reconquises. Bref, ils firent 3 parties nulles et d'un commun accord remirent au dimanche suivant, et même à une date plus éloignée, une lutte dont l'issue ne laissait pas de les troubler, car certaines victoires, à l'exemple des médailles, ont leur revers. Un chagrin bien soigné devient une sorte de béatitude. Madame Pomme, après les affres de la ruine, connut dans ses regrets cette sérénité qui émane de la richesse. Monsieur Pépin, dorloté du matin au soir, sinon du soir au matin, entouré d'une sollicitude toujours en éveil, pouvait se consacrer à l'absente sans être obsédé par les détails vulgaires de la vie matérielle. Tel le voyageur poursuit son rêve doux ou triste, entraîné par une barque qui se meut en dehors de sa volonté et qui le dispense de l'effort et de l'initiative. Si celui qui ressuscita Lazare s'était avisé de leur rendre Élisabeth et Achille, il les eut réveillés, en essuyant leurs larmes, d'une ivresse de désolation dont ils subissaient le charme berceur. Lorsqu'une femme commence à constater sur son visage les marques de la griffe du temps, elle songe à réparer ou à enrayer le désastre par des moyens connus dont elle a blâmé l'emploi chez ses amis. Une poudre de riz plus tenace est chargée d'effacer les rides imperceptibles, un bâton de pâte rose avive les lèvres pâlies, un crayon noir établi allonge ou corse la courbe harmonieuse des sourcils. C'est d'abord une couche légère, timide, presque invisible, qui peu à peu s'accentue. La pâte rose devient rouge sang. La poudre de riz fait place au blanc liquide. Le crayon noir tourne au charbon. L'opératrice s'habitue progressivement à des nuances de jour en jour plus brutales. Et la complaisance ou la malice de l'entourage aidant, il arrive une heure où celle qui fut une jolie femme, et pourrait être encore une femme agréable, offre à ses concitoyens l'aspect d'une caricature. La gradation a été insensible, et devant sa glace, elle ne voit pas ce qui crève les yeux. C'est ainsi que, confiant en eux, sincères dans leurs sentiments, rassurés par le calme de leur conscience, encouragés par l'impunité, M. Pépin et Mme Pomme se départirent à la longue de la réserve qui réglait leurs relations, et cela sans s'en douter le moins du monde. Dans leur gratitude mutuelle, ils passèrent insensiblement de l'étiquette à un affectueux abandon, de la cérémonieuse poignée de main au baiser paternel sur le front, du baiser sur le front au baiser sur les joues. Si bien qu'un soir, Au moment de se séparer, comme Sylvie se disposait gentiment à rendre le baiser qu'elle allait recevoir, un de ces faux mouvements que dirige le sort fit que leurs lèvres se rencontrèrent. Ils prirent aussitôt l'air détaché et indifférent de gens qui ne se sont aperçus de rien, mais le coup porta, et quand ils eurent regagné leur chambre solitaire, leur cœur battit longuement d'une palpitation inusitée.